spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 2 octobre 2017, monte le volume et hume la différence, oui, c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et voilà! Et bon lundi à vous, mes amis! Bon lundi, comment ça va? Les enfants vont bien? L'école? La dure réalité? Oh, j'ai oublié de placer mon... Oui! Normalement, madame, on place ça avant l'émission. On se met en place. Vous savez, les comédiens, lorsqu'ils montent sur scène, savent très bien où ils vont se positionner. Et là, vous n'étiez pas encore tout à fait comme la pâte al dente. Ça n'a rien à voir avec les gens. Quand on dit al dente, c'est que la pâte est encore croustillante, mais molle à l'extérieur. Une petite résistance à l'intérieur, tendre à l'extérieur. Exactement, lorsque vous mâcher un bon spaghetti. Moi, j'aime ça, les spaghettis. Tout le monde le sait au Québec. Je suis un amateur même. Toute la francophonie sait que je suis un amateur de spaghettis. On a même fait des... comment t'appelles ça, donc? Des prélèvements. Pour savoir si j'étais pas italien, saviez-vous que Fortin, c'est le nom de ma mère? Et que Madonna s'appelle Madonna Fortin? Et que Madonna est italienne. Alors moi et Madonna, on ne peut rien faire ensemble. On ne peut absolument rien faire. Sinon, c'est de la... C'est de la concrue... La concrue nudité. On devient humide, on se colle, puis on ne peut plus se séparer. C'est plus fort que la... l'époxy. Plus fort que l'époxy. Alors elle, vous connaissez l'histoire de l'époxy? C'est comme deux... Mais c'est pas comme, c'est deux tubes. Et lorsque vous amalgamez, lorsque vous croisez, lorsque vous mariez, lorsque vous faites pénétrer l'un dans l'autre substance liquide, mais un peu crémeuse, ben la consistance et la force en font une colle puissante. Alors c'est comme moi et Madonna. Si on se colle, on se décolle plus. Quand même. Hein, ça fait peur, là, quand, imaginez-vous, si vous la voyez sur scène, puis le Rénal en arrière d'elle, parce que moi, j'aime bien ça, être en arrière, moi. Oui. Oui, je me confesse, monsieur le curé. Pêcheur. Mettez de l'écho. Dénons pas cet écho, voilà. Vous êtes ici dans la Sainte Église, non, ne blasphémez point, sinon vous l'aurez sur ma gueule. Hey, depuis quand les curés sont violents? On n'a plus le droit d'extravagance, on n'a plus le droit d'aller, mais eux, sous la couverture de l'anonymat, peut s'en passer des affaires, là. Heureusement qu'il n'y a pas des caméras cachées, ou des caméras tout court. Il y a de l'exhibitionnisme dans l'air. On ne tirera pas les congrégations pour ne pas faire friser et surtout diminuer mon compte de banque. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent. Hey! Hey! Il n'y a pas si longtemps! Il y a deux dodos! Je m'en vais me chercher. Parce que je m'en vais me chercher souvent. Moi, je me trouve plus, hein. Avec les années, on se perd. On se perd. Et puis moi, vous savez, je fais de l'errance rénaldienne depuis quelques années. Et donc, tu peux plus, hein, tu sais même plus, puis tu es en recherche, constante recherche. Constance. Constance Belette, êtes-vous là? Constance Belette! La Belette est-elle sortie? Constance! Est-ce que non, elle est très timide, la Constance. Ah, mon Dieu, tu vois les deux yeux sortir là, de son oreiller. Trop timide. Moi-même, je la vois fonctionner dans la vie. Je dis, voyons, prends ta place. Godard le disait, trouver sa place sur la Terre. Ça, c'est dans le film Soigne ta droite. Film exceptionnel si vous aimez Godard, si vous aimez les Rita Mitsuko. Vous pouvez rentrer dans ce film-là. L'intérêt de rentrer dans le film, bien, vous avez le droit de trouver peut-être Godard hermétique. Mais à travers les Rita Mitsuko, si vous êtes un amateur des Rita, Rita Biblo adore les Rita Mitsuko, puis même c'est sa mère qui achetait tous les records. Et puis les records, on revient avec les records là, dans quelques minutes. J'ai une autre histoire après. Deux histoires là, dans une émission, ça peut risquer. On risque gros. Quand on se donne, quand on est vous, on se donne jamais assez, hein? Non, on devrait se vendre. C'est ça qu'on dit, hein, quand on veut se trouver un emploi. Vends-toi, mon champion, vends-toi! Mais vends-toi, je ne sais même pas comment ma valeur. C'est de valeur, mais j'ai pas de valeur, moi. Non, moi, je suis pas sur le marché, moi. Moi, je suis dans l'underground. Après ma mort, on verra bien, mais là, de mon vivant, je donnerai pas cher de ma peau. Pas cher. Ah, Saint, s'il vous plaît. Puis là, qu'est-ce que tu voulais dire, Biblot, Constance Biblot, soyez mort. Bon, j'ai perdu le fil. Non, mais c'est tout à fait normal. Moins. Alors, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Je m'en vais. C'est dommage parce que je m'écoute là, ce soir là, à mon émission Errance canadienne. Je fais mon émission et je m'écoute après. Mais je ne fais aucun montage. Je me désole, je pleure, je tombe dans une dépression profonde pendant 6 jours. Mais la 7e journée, ben, je réouvre le micro et je fais une autre émission. Je me désole, mais en même temps, je me dis, la prochaine sera la meilleure. Abandonne pas, mon champion. Penses-tu que Rodin a fait sa première sculpture mémorable? Non, il en a gossé du mauvais bois. Il en a gossé des choses pas présentables. Mais j'ai rencontré... aujourd'hui, j'ai rencontré la femme de ma vie. Oh. Mais aujourd'hui, il y a deux dodos, j'ai rencontré quelqu'un, un artiste. C'est une histoire à suivre, là. C'est qui? Ah oui, c'est Sébastien Legan qui disait « Je ne jette rien » avec mon ami qui est artiste, créateur. On va aller plus loin dans l'art plastique, dans la peinture. Et il a dit au micro de CKRL le... Oh non, il l'a pas encore dit! Parce que je travaille dans le montage. Il me l'a dit dans les oreilles lors de ma rencontre en juillet. Et lorsque j'ai fait les petits bouts sont en bambou. Non, les petits bouts sonores pour couper, entrecouper avec la musique, la chanson. Ouais, tu mets de la chanson. Oui. Ben, la recette, m'en va. Non, je reste ici, là, mais m'en va vous la dire. Saviez-vous que lorsque je suis trop excité, moi, là. Je suis comme le caniche. Je me la branlotte. Mais je vais vous raconter la recette de l'errance rénaldienne. Parce qu'il y a une recette. Il y a une recette. C'est que... J'espère que vous êtes prêts. Petite gorgée d'eau. Merci. Entre vous, parlez, parce que c'est le temps de ma gorgée d'eau. J'en ai pris 5. Ça méritait ça parce que... Oui, ça méritait ça parce que j'ai la gorge irritée. Alors, dans les deux mérites, il faut éteindre le feu. Comme le disait Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, Johnny be good. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, non? À propos de... Oh oui, c'est ça, la recette. Il y a une recette. Il y a même un chanteur, un type que j'ai rencontré, je vais vous la dire la recette là. Comment il s'appelle donc? Attendez un peu, si vous voulez discuter entre vous là, ça va très bien aller. Patrice Corian qui m'a divulgué à Paris en juillet qu'il connaît la recette du succès, la chanson à succès. Il sait comment placer le mot devant l'idée et comment structurer une mélodie pour accrocher le monde et faire de l'argent. C'est ce qu'il m'a dit. Et donc, la recette de l'errance, c'est très simple. Quand tu es parti, tu pars. Il faut que tu partes à plusieurs reprises. Là, je suis pas clair. Je sais, je ne suis pas clair, comme l'eau, la mer de Charles Trenet. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Là, je serai plus clair. Je pars en transe lors de mon micro, mais pas là, mais ça va s'en aller. Je vais m'en aller là bientôt. Je vais monter. Puis pour pas que je reste exactement. On me place sur une chaise et je suis cloué. Cloué. Mais devant Chloé, je suis cloué par sa beauté, cloué sur mon siège. Mais sinon, Errance Renadienne, pour ne pas me lever physiquement et partir, car je transpire souvent. Quand on rentre en transe, on transpire. Hein? Ça vient de là, transport. Trans, mon port. Ah ouais, quoi. Ah ouais, le cas. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Et la recette de l'errance rénadienne. Très simple. Tu pars pour Paris. Tu reviens avec deux magnétos numériques. Je ne donnerai pas la marque, mais professional. Quand je vous dis professional, là, pas des. J'en nommerai pas non plus, là, mais vraiment de la haute qualité. Là. Wave, en point wave, pour les initiés, point wave. Point wave, je comprends rien. C'est technique, cette émission-là. Non, on va revenir normal. Comment retrouver la normalité à travers l'errance? Là est la question. Alors, tu reviens de Paris. T'as tes exemples, t'as 50 artistes. En 2017, j'ai eu 50 artistes. J'ai rencontré 50 créateurs, chanteuses, chanteurs, peintres, 50 qui vivent de l'art. L'art. De l'art. Ça paraît bizarre, hein, de l'art. Qui vivent de l'art. Avec de l'art, on fait des sous. Avec des sous, on fait de l'art. Quand tu as de l'art, tu es heureux d'avoir de l'art. Tu n'es pas capable de le dire que tu as de l'art, mais tu es content d'en avoir dans tes poches de l'art. Plus impressionnant d'avoir des scènes. Ça sonne, les scènes. Surtout quand tu veux impressionner la jeune fille, là, tu fais claquer tes scènes. Ça montre que tu es quand même à l'aise financièrement et diminué intellectuellement. Ça va ensemble, ça. Attention, j'ai une compagnie, moi. Avec une femme, là, que j'appelle ma banque. Et puis, on a une petite épicerie. Puis, on vend de la bière. Puis, de la bonne bière. Il n'y a pas de périssable. On a enlevé des affaires parce qu'on faisait pas d'argent. On dit, on va rentrer de la bière. C'est ma banque. Couche avec ma banque. Quand j'ai vu qu'elle avait de l'argent, m'a m'accoté. Solide, pour faire mon, je vais la flotter, oui, je vais la flotter dans le sens du moelle, de la moelle, osseuse, Et je lui dirai, t'es belle, t'es merveilleuse, mais ben, belle et merveilleuse de loin. C'est comme Alain Delon, Alain Delon, ouais, mais de proche, là, wow, mais de loin, wow. Et puis, mais là, tu regardes après ça, il a regardé son compte de banque, il a dit, oh, je pourrais trouver une petite demoiselle, là, c'est 30-35, mais j'en ai une vieille, 52, 53, 54. Ça allait à 56, 57. Trois mentons 57. Ça, c'était une belle année, trois mentons 57. Hey, tu rentrais là-dedans, il y avait du prélat dans la voiture. Du prélat bord en bord. Les vitres qui cassaient tout seul quand tu chantais « El sol et Milo ».« El sol et Milo ». Milo. Surtout du Muriel Millard qui chantait « Arsol et Milo ».« Arsol et Milo, va-t'en là-bas, gratte-moi le dos, mais t'es pas là ». Puis, vous savez, à une certaine époque encore, ça existe, des mains en plastique pour te gratter le dos parce que t'es pas capable là, quand t'es un solitaire. Ben, beau avoir deux mains, là, puis tu sais t'en servir. Quand t'es un solitaire, mais il t'en faut une troisième pour le dos. Puis, moi, on m'a dit, mange des concombres. Mangeant des concombres, ils sont pas tous dans les pots. Il y en a un qui va en manger, puis il va te pousser un troisième bras. Avec celui-là, ça risque d'être dans le dos. Il va te gratter le dos, lui. Mais là, je me suis dit, sous mes chandails, comme il y a des beaux chandails que je me procure sur eBay avec des photos des artistes, là. John Beden, Johnny Bash, Patti Smith, Hey, mon plus beau, c'est ça, mon plus beau gaminet t-shirt, là, c'est Patti Smith. Il y a une belle rangée, là. Et ça fait un beau t-shirt. Là, t'oublies le gaminet, tu sais même plus dire gaminet. Tu dis t-shirt, tu vires t-shirt. Tu vires ton t-shirt de bord, comme disait Jacques Dutronc dans L'Opportuniste. Connais-tu L'Opportuniste? Jacques Dutronc, c'est pas deux personnes, là. Jacques Dutronc, c'est le chanteur, L'Opportuniste, c'est la chanson. Et puis, la recette de l'errance rénadienne. Ah, pas pire, hein, c'est le verre d'eau pas de glace. L'intérêt dans le verre d'eau pas de glace, c'est le pas de glace. Quand ça fond pas, ça trouble pas. C'est quand ça fond que ça commence à ouh, ça ulule. T'aimes-tu ululer, ma Sonia? Elle ulule. Oh mon Dieu, à la naissance, elle broyait pas, elle ululait. Elle ululait, puis les petits yeux à l'envers. On dirait le téléphone. Tu voulais répondre. Allô? Ben non, c'était elle qui virait. Elle virait souvent. Elle virait. Avant même que l'émission Errance Rénadienne prenne l'assaut sur CKRL. CKRL, 89.1 à Québec. Vous savez pas ce que c'est? Ben voyons donc, c'est la radio que vous écoutez. Oh! On savait plus, hein? On cherche où on est, puis on cherche le chemin. Pas trouver, chercher. Déjà là, chercher, c'est presque trouver. Dans mon cas, c'est pas vrai. Cherche, j'ai jamais rien trouvé. Oh mon Dieu. Chercher la recette du bonheur. Bon, l'errance rénadienne. Paris, retour, montage sonore. Montage sonore, ça veut pas dire couper les mauvais bouts. Il y a pas de mauvais bouts. Non, il y a jamais de mauvais bouts. C'est que faire des césures de 10 minutes, parce qu'après 10 minutes, les gens se lassent. Ils veulent de la musique. Fait que tu fais à peu près 9-10 minutes, tu coupes, mets de la musique. Alors, tu dois faire des césures de tes rencontres. Plus la rencontre est longue, plus ça fait des émissions. Moi, c'est 4 blocs de 10 minutes. Donc, ça fait 40 minutes. À travers ça, tu mets de la musique. Il y a une introduction, ça, c'est moi actuellement, qui peut se mêler dans 45, 50 minutes, 60 minutes même. Aujourd'hui, là, je crois bien que je suis tellement pas en forme. Je suis pas en forme. Non, c'est en forme, mais avec la liaison qui colle pas. Je suis pas en forme. Je suis en forme. En forme de poire. Poire flambée. Ah, c'est... Mais on se demande comment on fait pour flamber une poire. Parce que moi, j'ai mis le briquet là-dessus, là. Ils m'ont dit, mets de l'alcool! D'alcool, quelle sorte! Friction, pas friction. Puis si c'est pas friction, c'est quoi? C'est du gin. Gin tonic. Comment? Le Decaper. Ah, le Decaper. Qui boit ça du Decaper? Rénal Québec à commercial hotmail.com. Rénal Québec à commercial hotmail.com. Si vous buvez du Decaper, connaissez-vous ça du Decaper? Avec le cœur, là. Et moi, ça m'écœure, le Decaper. On dirait que tu bois du parfum. Ah, mon père buvait du Decaper. Wouh! Faudrait que je m'en achète juste une petite bouteille pour me rentrer le pif là-dedans. Mais en fait, il ne rentre pas. Mais me rentrer au moins une narine. Là, tu fais ton émission. Ah, je viens de sniffer du Decaper, man. L'émission va tenir le coup. Ou tu vas perdre le coup. Ça fait que c'est à peu près ça. Donc, la recette, je vous l'ai brossée. Des capers, là, ça brosse ça te prend pas un peigne, là. Ça te prend la brosse, là, tu sais, des cheveux, des touffes, là. Comment tu les appelles, les touffus? Et sainte, les grosses touffes, là. Ah! Puis là, le peigne reste coincé dans la touffe. C'est pour ça que je me suis procuré 5 brosses. Brosse pas des... Pas ces brosses-là, là. Des brosses... pour peigner les cheveux. Ouais, j'ai le cheveu sec, moi. Ça fait ça. C'est aussi sec que, comment t'appelles, de l'acier. Non, de l'acier, de la moelle d'acier. Des cheveux d'acier. Fifi, le feu d'acier. Voyons donc, comment t'appelles, des... Pour laver des choses, là. La laine d'acier, Hey, c'est épouvantable d'appeler ça de la laine d'acier. C'est pas de la laine. La laine, c'est tu touches à ça, c'est doux. Mais l'autre, c'est irritant. Un peu comme ma voix actuellement. Ça arrête-tu, cette voix-là? Les murs saignent, Madame Tremblay. Les murs saignent chez nous. Après 2 heures d'errance, là, j'ai 3 jours à faire le ménage. J'appelle les professionnels de l'entretien. Ils me disent j'ai rien à faire, puis nous avons trop d'appels. Nous savons très bien qu'il y a quoi, combien de personnes qui nous, actuellement, là, si c'est pas 500 000 qui écoutent Errance canadienne, il n'y en a pas un. Au moins, il y a moins, ça fait un. Mais on est au moins 500 000 de personnes à écouter ça. Fait que, imaginez-vous les murs qui suintent. Pas facile à désuinter, ça, là. Puis comment faire pour désuinter? Faire jouer du Mireille Mathieu à 2 heures du matin après l'émission. Ça n'a pas de bon sens, là. Les policiers vont arriver avec des médecins. Ils vont dire, vous êtes dépressif, monsieur. Lâchez la nana... Ou nana Mouskouri. Ils vont dire « Lâchez la nana, lâchez la Mireille. Vous méritez mieux que ça. » Non, ça peut être bon. Et puis, qu'est-ce qui s'est arrivé? Donc ça, je vous ai dit la recette un peu brève, puis un peu, une ébauche. Je vous ai raconté une ébauche. On peut-tu raconter une ébauche? Non, on fait une ébauche. Ça, c'est un genre de dessin où ça peut être un compte-rendu, une ébauche. Ça, j'ai un projet de film, là, ça, c'est l'ébauche. Elle entra dans la chambre et elle se mit à crier. Déjà là, hein, on sent la tension. Là, vous allez me demander, monsieur le producteur, le budget. Le budget, oui, le budget, ça dépend de la personne qui va crier. Hein, ça dépend de la vedette, la comédienne. Est-ce que je peux vous tutoyer? Monsieur le producteur, on tutoie ça, c'est un genre de gérant de banque, ça là. On tutoie les cravatés, on tutoie. On tue directement, bon. Je suis pas un violent, moi. Ah non, j'ai étudié ça à l'université, la violence en un. Comment poignarder, tu sais, les styles de poignard pour ne pas manquer, pour louper, pour entourlouper, pour graffiner, tu sais, ou pour directement tuer, là, la grosseur de la lame, Et si la larme est proche du criminel, doit-on continuer? Parce que les remords, quand tu pleures, il y a un remords. S'il y a un remords, arrête. Parce que ça veut dire que quand tu vas présenter ça aux avocats, aux juges, tu vas dire « Ouais, mais j'avais presque un remords, ma larme a coulé, puis la lame s'est enfoncée. » Tu sais, là, il y a des choses, là, assez brusques, là. Il y a de la violence, là. Il y a de la violence. Ah, ouais, hein, une belle violence. Non, c'est pas beau, de la violence. Non, de la violence. Pur et dur. Quand c'est pur, c'est dur. C'est dur, ça... Ah, mon Dieu! Du vinaigre pur, là, oh! Buvez un verre d'eau de Javel. Oh, pur, là, pas avec du vinaigre. Oh, t'as la voix qui... oui, Tom Waits, avant un spectacle. Un shooter de vinaigre. Non, pas d'eau de Javel, voyons. Un shooter de vinaigre. Leonard Cohen, feu, Leonard Cohen. Ah, il a flambé parce que lui, c'était du vin rouge, hein? Ah ouais, le vin rouge. Everybody knows the wind of trouble. Everybody knows the wind of wine. Everybody knows. En plus, c'est un poète, puis je massacre ses chansons. En fait, je massacre pas, j'invente des mots. Et puis, je m'excuse infiniment, M. Cohen. M'excuse. M'excuse. Je recommencerai pas. Et donc, il y a deux dodos, si vous vous rappelez le début de l'émission. Il y a à peu près 25 minutes. 24, 23, 22, 22, 22 minutes. Je m'en vais dans un magasin. Je ne nommerai pas, mais vraiment de basse gamme. Là, tu vas dire, ouais, tu t'en vas là, toi. Oui, pour mes pinceaux. En fait, basse gamme, ça veut dire que les prix sont bas. Ah. Ben, je vais vous parler. Le Dollarama. Je suis allé au Dollarama. Là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à aller là, moi, il y a 2 ans. Avant ça, je ne l'ai pas là, moi. Je l'ai pas de là. J'achetais tout le temps sur Internet. Encore aujourd'hui, là, 95%, ben même 98% Internet, 2% Dollarama. Dollarama parce que c'est là. Tu sais, j'ai besoin de pinceaux. J'ai besoin de cordes. J'ai besoin de peinture. Et là, je m'en vais au Dollarama m'acheter un ensemble de pinceaux. Mais sur une tige, tout ça, c'est sur des tiges de bois. Pour peintre professionnel, j'en suis pas un, là. Et je me suis procuré aussi une couleur parce que je fais de l'aquarelle. Pourquoi vous riez, moi? Tu dois faire de l'aquarelle, moi, là? J'ai-tu l'air d'un gars qui fait de la peinture à l'huile? Excusez-moi, là, il est comme un... qui est sorti, là. J'ai-tu l'air d'un peintre à l'huile, moi? Moi, c'est de l'aquarelle. Pourquoi l'aquarelle? L'huile, déjà, là, si vous n'êtes pas initié, c'est que sur une toile, c'est plat. L'aquarelle, l'huile, OK, c'est plat. L'aquarelle, tu peux mettre des textures. Et c'est dans la texture que tu peux faire une peinture intéressante, selon moi, là. Puis je fais pas du figuratif. Je fais de l'abstrait. Puis même, il y a un style. Dans Deux Dodos, vous allez en entendre parler avec mon ami peintre que j'ai rencontré. Je le nommerai pas parce que c'est pas son spectacle actuellement, c'est pas son show. Aujourd'hui, c'est le show de mon ami Jean-Philippe Marant et plus précisément de Charlène Duval. Et là, je m'en vais dans mon Dollarama, dans un Dollarama. Et il y a un homme en avant, un petit monsieur, 5 pieds 2, 5 pieds 3. Bon, pour les gens qui sont en mètre, je vais prendre mon cellulaire, attendre un peu, parler, là, outils. Calendrier, fuseau, chronomètre, tâche, note, calculatrice, convertisseur, devise, longueur, pied, puis mètre. Alors, maître, ça va? Ça va très bien, mon petit. Alors, j'attends le jus de courgette au champagne. Oui, excusez-moi, parce que là, je suis en train de chercher des pieds. Des pieds, on va vous le mettre sur le... On va vous le mettre dans le sol, dans le derrière. Pieds dans le derrière, 6 pieds. Attends, 5 pieds et que 5 pieds, disons. 1 mètre, OK, 1 mètre 54. 5 pieds, 2. On recommence l'histoire. Alors, je suis au Dollarama, en avant de moi, avec mon ensemble de pinceaux et ma couleur, qui est orange. Voilà, couleur orange. Orange citrouille. Et je vais faire des œuvres extraordinaires pour vous. Pour vous, mais pour vous, ben c'est pour toi. Mais en tout cas, je vais faire des œuvres. Et des œuvres, je vais faire de la gouache. Pas de la gouache, mais de l'aquarelle. Et en avant de moi, il y a quelqu'un qui, je le vois de dos, il parle avec une autre personne en avant de lui. Alors, il y a 1,55 m à peu près, si je me rappelle bien. 5 pieds et 3. Et là, la caissière, parce que c'est plusieurs caisses, hein, ça fonctionne bien, donc il y a plusieurs caissières, ça roule. Puis il y en avait trois, il y a 2 jours, il y en avait 3. Et lui, c'était le prochain. Il ne voulait pas avancer. En fait, il voulait pas avancer. Il discutait, donc il n'était pas prêt à avancer. Il ne savait pas que c'était à son tour. Moi, je lui frappe sur l'épaule. Je dis, excuse, là, mais... Parce que je l'ai tutoyé, il avait l'air d'un jeune. Puis moi, je tutoie assez régulièrement, sauf les personnes âgées ou les autres. Et je dis, excuse-moi, mais la dame te demande de passer à sa caisse. Il se retourne, il me dit merci. Je le connais, lui! Imaginez-vous, la personne qui était en avant de moi, c'était, pour les autres, ils ne connaissent pas. Là. Si vous êtes de passage au Québec, là, vous êtes belge, suisse, français, ça ne vous dit absolument rien. Mais Éric Lapointe est en avant de moi. J'irai pas plus loin, je suis pas un fan, moi. Je suis pas un ventilateur, je suis pas un... Mais la nuit avant, j'avais écouté, pour la 150 millième fois, l'album Hommage Jaune avec Jean-Pierre Ferland. Il fait un duo qui est « Qu'est-ce que ça peut bien te faire que je mène ma vie tout à l'envers » avec Jean-Pierre Ferland et Éric Lapointe. Imaginez-vous, quelques minutes, quelques heures après, 6 heures après, il est devant moi. C'est pas pire. Alors là, je vais passer à une pause musicale et je reviens, moi, te chercher. Non, pas te chercher, mais je reviens à ce que j'avais lorsque j'étais petit. C'est-à-dire, on appelait ça, à l'époque, un pick-up ou un tourne-disque ou une platine analogique. Je m'en suis procuré une. Puis il y a une chanson que je vais vous faire entendre qui m'a accroché. Puis en plus, pour l'émission d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, ça colle très bien. Alors, écoutez bien, le son, je le capte directement de cette platine-là qui joue merveilleusement. Donc, je vais placer le micro ici. Je vais vérifier si ça fonctionne. OK, il fonctionne. Alors, il y a deux micros. Vous ne voyez pas ça, là. Et j'ouvre le... Attendez quelques secondes. OK. Je vais prendre mon clé. OK. Micro comme ça. On va mettre ça comme ça. Ici. Oh, j'ai oublié de désamorcer le... Oh, attendez un peu, là. Je vais parler entre vous. Amateurisme. Je voulais... Ah, OK, parfait. Alors, on y va comme ça. OK. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. C'est un 33 tours, non, un 45 tours que j'ai reçu par des amis. Ils m'ont envoyé 95 albums dans ce genre de musique, de style musical-là. Qui revient. Alors, Et voilà. Merci. C'était juste pour vous faire entendre. J'ai certain que ça existe en CD, que ça existe en numérique et que j'aurais pu le brancher parce que j'ai des fils RCA que j'aurais placé sur ma console. Mais c'est pas ça le but de mon écoute avec vous. C'était de l'entendre comme ça, avec un micro direct qui est ici, là. Attendez un peu. Un deuxième micro. Avec la chanteuse. Comment elle s'appelle, cette chanteuse-là? Gloria Gaynor, avec I Will Survive. C'est de Dino Ferklan et Freddy Perren. De l'autre côté, c'est quoi? C'est Substitute. Connaissez-vous Substitute? Bon, un petit coup de Substitute. Moi non plus, je connais pas. C'est vrai, je vous le jure que je connais pas. Attendez, je vais me mettre... Je vais pas briser mon diamant. Quand même, c'est un nouveau produit. On va juste placer ça n'importe où, tiens, dans le milieu. On va descendre le truc. Ouais, mais c'est dans le fond, hein? Elle faisait dans le funk, dansant, le disco un peu. Et voilà. Merci, madame. C'était mon petit... Puis je veux vous préparer dans quelques semaines une chanson vinyle, la chanson vinyle de la semaine. Donc, c'est peut-être au début de l'année prochaine. C'est mon petit cadeau que je voulais vous faire. Je sais bien que ça brise rien dans le côté sonore. Même, je vous ai peut-être fait saigner les tympans. Pourquoi pas se faire plaisir comme ça? Ah oui, ça va. C'est la première journée de la semaine, là. On est démoralisé, on recommence une routine. Écoutez ça. Ça va vous faire danser. Ça va vous donner le goût de rester chez vous. De pas aller travailler, de pas aller travailler. Ah oui. Alors, vous savez, du vinyle, de l'analogique au sonore. Non, de l'analogique au sonore. C'est sûr que l'analogique, c'est sonore. De l'analogique au numérique, il n'y a qu'un pas. Et le voici. The stories told, been told, retold, from the secret scriptures to the tabloids, all the fuss and fight, none above a whisper from the soul of gold to the belly of a boy. Well, they drew him from the fire slate, they draw blood, tied him to a tree like Saint Sebastian, and he turned his head, let the arrows fly through the trees, the trees, the ornament. Down. sitting on the corner, suitcase in my hand, jacket's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat gym. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ! I'm the Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all your protesters, you can hear Jack say, get rid of here. CJ! Come on, baby. CJ! CJ! Some people, they like to go out dancing, and other people say, work, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Ah, le gars qui se réveille, ah ouais, Sweet Jane! Avec, bien sûr, c'est rare que je divulgue les groupes ou les chansons parce que je trouve ça trop classique. Le classicisme m'emmerde. Il faut toujours déraciner tout ça. Il faut labourer, il faut recréer, il faut défricher puis aller ailleurs. C'était pas mal! C'était même très bien! Du vinyle ou de l'analogique au numérique. On est rendu là. Puis, si vous vous rappelez, bien, je me rappelle très bien, moi, je me suis réveillé ce matin. Et puis, après, ben, j'ai petit déjeuné. J'ai petit déjeuner, parce qu'au petit déjeuner, c'est tout petit, hein. Petit croissant, petit jus pressé. C'est précis, j'étais en retard. Gaétane ne m'avait pas réveillé, hein? Elle avait oublié de mettre son cadran. Elle, elle a un cadran qui fait tic-tac, tic-tac, puis moi, j'ai fait de la guerre. Moi, j'ai fait de la guerre, j'ai fait de la guerre. Regarde-moi les cheveux, j'ai fait de la guerre. Moi. J'ai fait de la... Regarde-moi les cheveux. Oui, arrêtez de rire de moi. Elle essaie de faire une phrase avec Gorille. Depuis que je me suis fait couper les cheveux, les gorilles de moi. Gorille, fait de la guerre. Et puis, donc, les grenades, hein? Tic-tic-tic-tic. Moi, ça me rappelle ça. J'ai des cheveux quand je couche, quand je couche, quand je me couche, quand je la couche, quand je le douche, dans mon douche louche. Je couche, me louche dans le... Mais ça va pas très bien. Ah, non. Et puis, donc, je me mets pressé, tic-tac, horloge, réveillé, petit déjeuner, petit jus, pressé toujours. Et j'ai également une autre façon lorsque je parle à la clientèle et que du premier coup, je ne les entends point. Je leur dis, deux points. Raoul, t'as-tu entendu, il a dit deux points. Ouvre donc les guillemets, s'il te plaît. Comment ça, t'y trouves plus? C'est dans... Il y a des tiroirs ici, là, hein? C'est un studio classé. Sa vie n'est pas classée, mais... Non, c'est le bordel. Mais le 18e tiroir... Oui. Exactement. Ouvre-le. Donc, qu'est-ce que tu y trouves? On peut pas t'entendre. Crie-le, on peut pas t'entendre. Guillemets fermés. Mais voyons donc, toi. Suzanne. Ça, c'est le frère, sa belle-sœur à Gaétane. C'est le, sa belle-sœur à Gaétane. Suzanne. Les guillemets ouverts, t'es amis avant ou après? Les guillemets fermés. Mon indiscipliné. Ma belle de nuit. Ma retournure de toujours. Ma tourterelle. Mon pigeon d'argile m'a tiré, m'a dit la vérité, là. Il y a comme oui, ben oui. Il y a une façon de faire, effectivement. Tu mets les guillemets ouverts au début du tiroir, dans le tiroir du haut, puis le guillemet fermé dans le tiroir du bas. Pas vice-versa. Sinon, ça fait plus grand, puis plus petit. Là, tout le monde est mêlé, puis ils ne savent pas. Là, en littérature, c'est pas ça du tout. Là, t'as pas réussi ton cours de littérature. De un, t'as-tu réussi des cours? Non, mais c'est important de le savoir. T'as-tu réussi des cours? Les cours d'école, ah, mais c'est vrai. Hey. C'est là qu'elle a fignolé ses baisers. Ah, monsieur, madame, mademoiselle. C'était la virtuose du baiser. Quand tu passais pas devant sa bouche, t'étais un moins que rien. non, t'étais... Oui. Tu pouvais pas avoir... Tu disais, là, déjà, là, à 12 ans, t'avais pas d'avenir. Si tu passais pas devant sa bouche. L'avenir, hein, quand même, ça tient à pas grand-chose. Une bouche. Plus tard, c'est des bouches d'égout. Mais tous les dégouts, c'est... Hein, pardon? Dégouts? Les bouches d'égout? Tous les dégoûts sont pas dans la nature, c'est pas ça la réplique. Ouvre les guillemets, donc. Veux-tu? Bon. On a perdu les guillemets. On pourra pas dire la citation. C'est fou, là, hein? Vous me bousillez une émission parce que vous ne placez pas dans les tiroirs appropriés les ponctuations appropriées. C'est pas compliqué, me semble. Trois points de suspension, point, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, hein? Interrogation, On n'a plus d'avenir dans le monde. Tout se termine. La grande faucheuse vient de passer, Raymond. La grande faucheuse. La vois-tu? Il voit rien. Non, lui son grand succès, lui, dans, ben, en fait, ce qu'il rend unique, c'est un observateur. Observateur. Il parle pas. Mais il regarde. Il regarde, mais pas juste avec les yeux. Il regarde avec tous les sens. Là, c'est le genre de l'ambiance. Ce que le feeling de ce qui se déroule lui donne. Là, il se fie beaucoup à lui-même. Il a une confiance incroyable. Quand tu lui parles, tu dis « Salut! Salut! Salut! » Il a tout compris, lui. On sent que les diapasons, là, c'est un aimanté, lui. Là. Tout lui arrive, là. Quand il pleut, là, la pluie colle sur lui, là. Quand il neige, les flocons arrivent sur lui. C'est l'aspirateur humain. Tu sais, c'est une nouvelle dimension que l'être humain n'a pas encore défrichée, man. Madame. Alors, c'est une nouvelle observation, c'est une nouvelle façon de faire, on pourrait aller plus loin. Effectivement, nouvelle façon de vivre. Que nous sommes très loin, exact. On peut pas l'emprunter, on le connaît pas encore. Quand tu connais pas... Tu marches, mais un peu comme dans une mine antipersonnelle. Tu sais, il y a des endroits antipersonnels, là, très antipersonnels, comme les toilettes, c'est antipersonnel, ça. Ah, mon, là tu frappes, tu es là, il y a quelqu'un, tu vas pas ouvrir la porte, tu sais pas comment ça va, puis tu sais même pas c'est qui derrière la porte. Il y a quelqu'un, là, t'as une envie, mon champion, une envie, t'es jaune comme une couche de moutarde. Il y a quelqu'un, tu croises les jambes, puis il y a une troisième jambe qui se pousse à toi, une quatrième jambe, puis tu es en train de tire-bouchonner. Tu tire-bouchonnes! Comme Jacques Brel le chantait. Tu tire-bouchonnes, tu sais, il disait, deux valises dans chaque main, les timides. Mais là, t'es pas timide, t'as envie de pisser! Puis il y a quelqu'un dans... Tu crois qu'il y a quelqu'un dans la toilette parce que t'as comme l'impression... L'impression, là, t'es pas certain, mais c'est la sensation que ça te donne. Tu sais, t'as la sensation qu'il y a quelqu'un derrière. Vas-tu rentrer s'il y a... Hein? S'il y a une reine d'Angleterre qui trône? T'es en train de s'égrener, puis tu vas tirer... Tu es prêt à tirer la chasse d'eau, moi, sur la reine d'Angleterre qui s'égrène? Ah ouais, égrène! Puis là, les gens s'intéressent. Qui va remplacer, qui va succéder à la reine d'Angleterre? Hey, c'est important de savoir ça dans une vie, là. J'écoute aucun téléjournal. J'écoute aucune information d'actualité. Je ne lis pas les journaux. Je suis un imbécile heureux de ne pas savoir le processus actuel de notre société moderne. Ben moderne, là, du quotidien, là. Je me suis fermé le CNN, en un mot. Je me suis bloqué le CNN, je me suis... Non, j'allais dire un anglicisme, mais j'en ai dit plein, là, ce soir. Normalement, là, je suis pas comme ça, pick-up, là, je tire une plaque tournante. Mais quand on était petit, on disait un pick-up. Une pin-up. Quoique... Je devrais mettre une pin-up sur mon pick-up. Oh. Tu sais, bidibou, bidibap, bidigui. En tout cas, la fille, là, bidibap, boup, bip, bip. Tout le monde, bidibou, hein, bidib. Non, je parle pas en. Moi, ouais, l'autre, elle pense que je veux parler aux extraterrestres. Non, ils veulent plus rien savoir de moi, eux autres non plus. Imagine-toi, rapidement comme ça, puis après ça, on va passer à notre invité parce qu'il mérite d'être entendu, là. Il attend, il est sur sa chaise, là, puis il s'imagine que j'ai placé des clous. Il est comme un peu irrité de tout ce qui se passe, parce qu'il veut prendre sa place. On veut laisser dérouler devant nous le grand monde du cabaret. Ça, c'est important, le cabaret. Cette semaine et la semaine prochaine, plein feu, au moins 60-75 minutes. Aujourd'hui, c'est 60, mais la semaine prochaine, on verra, c'est l'autre jour. On va essayer de se rendre à demain. Hein? Puis même, on va tenter de finir l'émission. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Une comète! Pas une curieuse, là, mais une comète qui nous arrive dessus, ça peut arriver! Tout peut arriver! Et ce soir, aujourd'hui, le lundi 2 octobre 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, c'est là que ça se passe. Unissons-nous, c'est là que ça se passe, mon Raymond. Unissons-nous autour de mon ami Jean-Philippe Marant, alias Charlène Duval. Vous voulez connaître tout, surtout, et surtout, ne quittez pas les ondes, car à partir de maintenant, place au cabaret! Je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Un panaché? Un panaché. Si vous voulez bien. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. La même chose. Oui, merci. Alors, Jean-Philippe. C'est moi. Bonjour. Et là, je t'ai connu grâce à Internet, grâce à des amis qu'on a en commun, Facebook, et dans, qui gravitent autour de l'art dramatique, des comédiens, des comédiennes, des chanteurs, des chanteuses. Et ce qui m'a intéressé, c'est le personnage que tu as créé. Mais avant d'y arriver, avant d'en parler, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à l'art dramatique? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir monter sur scène? C'est quelque chose d'un petit peu inné, mais il y a vraiment eu un déclic quand j'avais 10 ans. Chez mes parents, j'ai trouvé un programme du Casino de Paris qui datait des années 60. Ils y étaient allés vers 61 ou 62. Ils étaient allés voir Lynn Renault à l'époque. Oui. Et c'était la cabane au Canada. Voilà. Ah. J'ouvre ce programme qui n'était pas le vrai programme avec le détail du spectacle, mais ce qu'on appelait à l'époque l'album souvenir, à savoir que ce ne sont que des photos. Et j'ouvre et sur la page 3, je vois cette photo de Lynn Renault uniquement dans un body de velours et de strass avec des plumes de faisan au bras et sur la tête. Et ça a été une évidence. Quand je serai grand, je ferai ça. Pourquoi? Et ça s'est installé, je ne sais pas. Ça s'est installé et je ne me suis jamais posé la question que ce n'était pas un métier d'homme. D'abord, que j'avais pas vraiment le physique parce que 1m86 c'est vachement grand. Après, je me suis rendu compte que j'avais une voix tout à fait ordinaire, mais très reconnaissable. Oui, même radiophonique. J'ai aussi le physique de radio. Hein, c'est quoi, c'est la grandeur. Et parce que j'ai pas un très joli visage. J'ai un visage qui a de la personnalité, mais j'ai pas un très joli visage. En revanche, Norbert Wilson a fait sa carrière. Dans sa grande mansuétude, Dieu m'a donné des jambes qui font 1m20, comme Adriana Carambeu. Et donc, c'est une grande partie du charme du personnage aussi. Donc, il n'y a pas un spectacle où j'ouvre pas à un moment. Et tu as travaillé depuis le début uniquement ce personnage-là, ou tu as commencé à faire d'autres? Non, j'ai commencé à chanter en garçon dans un cabaret qui s'appelait le Piano Zinc dans le Marais, dont j'ai gardé j'ai gardé beaucoup de contacts des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et je faisais un peu n'importe quoi, et puis je me travestissais de temps en temps, etc. Tu faisais pas des chansons des années 20? Oui, absolument. Okay. Moi, j'allais de 1890 à 1960. Hein. J'oublie le nom, malheureusement. Je l'ai rencontré il y a 4 ans. Je vais juste le localiser rapidement. Il a joué dans une petite séquence dans Les Nuits Fauves. Ah, Denis D'Arcangelo. C'est là-bas que j'ai connu Denis. Et bien voilà, c'est grâce à lui si je te rencontre aujourd'hui. C'est grâce à lui. J'ai connu là-bas Denis, et je l'ai vu, et il était arrivé avant moi. Oui. Alors, vous êtes friand de ce genre de musique-là? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, il est plus, j'allais dire, il est plus intelligent que moi. Oui, je pense que Denis est plus intelligent que moi. Mais on joue pas tout à fait sur le même répertoire. Lui est beaucoup plus fort dans la charge émotionnelle. C'est-à-dire que Denis, il est multitalent. Il peut être très très fort dans le comique, dans l'absurde, et il peut être extraordinaire dans le dramatique, dans la tragédie. Moi, j'ai pas cette force tragique. Il faut le savoir. Je dis pas que j'ai pas chanté des chansons avec quelque chose de sensible, mais il y a toujours quand même. On n'est jamais dans les histoires de pauvres filles droguées qui ont souffert, etc. Okay. Ou dans ce réalisme à la Macorlan, par exemple, qu'affectionne Denis, que moi je ne crois pas que je pourrais chanter. Mais qu'est-ce qui t'a. Chez toi, est-ce qu'on écoutait du Fréhel? Est-ce qu'on écoutait du. De l'opérette. Oui. De l'opérette, du jazz, de la comédie musicale américaine. Et c'est une émission de Jean-Christophe Averty qui s'appelait Les Cinglés du Musical. Averty qui est mort récemment. Oui, c'est ça, exactement. Et qui était aussi un homme de télévision très précurseur, etc. Oh, oui. Et qui. Il y a la nôtre. Et qui avait cette émission Les Cinglés du Musical sur France Inter. Et ça a duré des années. Et là, il exhumait des choses de 1890 à 1950. Et moi, ça a été une révélation. Que ce soit sonore, d'abord, ce son. Insensé, les textes et les anecdotes qu'il racontait autour, et je me suis pris d'une vraie passion pour ça. C'est-à-dire que moi, à l'âge de 12 ans ou de 13 ans, je demandais à mes parents de m'acheter les ressorties de Mistinguette en vinyle et tout. Et ma sœur, parallèlement, écoutait Pink Floyd, Trust, Téléphone, AC/DC. Donc il y avait un combat dans la maison très intéressant. Mais tes parents, est-ce qu'ils voyaient un peu vers quoi tu allais? Ils ne m'ont jamais brimé de quoi que ce soit. Moi, j'imitais apparemment très bien Lynn Renault quand j'étais jeune, et on avait un très bel escalier à la maison. Et je me drapais dans des dessus de lit immenses et je descendais ces marches en chantant. Et à la fin des gros dîners, mes parents souvent me disaient « Allez hop, tu veux pas aller et nous faire l'escalier ?» Donc voilà, il y avait une demande parentale. De tes parents. Ah, mais c'est rare parce que normalement, les parents se sentent un peu... Non, mais ma mère vient d'une famille de gens musiciens, de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui ont fait de la musique dans sa famille, y compris son père, tout ça, qui faisait partie de l'orchestre quand il était en Algérie. Ma mère adorait le musical, elle m'a toujours dit, moi j'aurais adoré être meneuse de revue ou conductrice d'énormes engins de travaux publics. Elle a fait ni l'un ni l'autre. Moi les travaux publics, ça me... Non. Et c'est vrai que j'aime le luxe que peut évoquer cette forme artistique. Le rêve aussi, hein. Bien sûr. Et c'était intéressant, alors ça je l'ai compris après, quand on voit toutes ces vieilles vedettes qui ont... tenter de perdurer comme si elles étaient jeunes. Donc, tu parles de Marlène Dietrich. Par exemple, Marlène Dietrich, Mae West, Joséphine Baker, Gilda, qui, au Québec, qui a duré très tard. Ah oui, tu connais Gilda? Bien sûr. On a le même fournisseur de plumes. Et donc, elles utilisaient exactement les mêmes artifices que moi j'utilise pour avoir l'air d'une femme. Non, jamais. Ok. Jamais. Mais comment tu en as entendu parler à cause de, du fait que vous poignez. C'est la plumassière. Parce qu'il y avait plein de photos dédicacées de Linda. Okay. Et donc j'ai demandé un peu, puis après j'ai cherché sur le net, etc. Et là j'ai vu, bien sûr. Et puis. Ben, d'abord, il était très fort dans le maquillage. C'est ce qu'il faisait, je ne trouve pas ce qu'il faisait très intelligent, sans méchanceté aucune. Mais le personnage était très. On était encore sur cet humour 1950, ouais. Qui, pour moi, dans les années 80, devenait un petit peu désuet. Okay. Mais le personnage était admirable et cette volonté d'aller jusqu'au bout et le luxe de ses costumes. Ouais. Ah. Ouais. Ben, c'est ce qui te plaît. Et ça, c'est intéressant. Mais. Quand j'étais jeune, il n'y avait que ça qui m'intéressait. J'allais aux Folies Bergères, je voyais les revues. Et petit à petit, les gens avec qui j'ai travaillé, je privilégiais grosso modo la forme au fond. Et maintenant, je privilégie le fond à la forme. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des tonnes de plumes pour être intelligent sur scène. Non, non. Mais je veux juste revenir à ton enfance. Est-ce que tes parents, surtout ton père, te voyant te transformer en femme, est-ce que ça se titillait? Est-ce qu'il voulait savoir ce que... Non. C'était... Il suivait le mouvement de ce côté-là. Il savait que tu n'étais pas comme tout le monde. Voilà, alors ils n'ont pas tout compris dès le départ, hein, mais enfin, à 16 ans, ma mère s'était fait une idée assez définitive. Mais ton père, il a refusé? Moins, c'est venu un peu plus tard, okay. Et bon, il n'y a aucun problème. Il a accepté? Oui, il m'a vu en spectacle déjà, bien sûr, okay. Voilà. Mais c'est un grand timide, donc beaucoup plus introverti que ma mère. Et donc, ça n'a absolument jamais posé de soucis, voilà, mais je crois que je tiens en partie ça de ma mère aussi. Et après, j'ai développé ces choses-là parce que vraiment, l'époque m'intéresse. En plus, historiquement, la période de 1850-1950 m'intéresse énormément. Et ça fait partie, cette partie culturelle et partie intégrante de tout ça, avec aussi l'arrivée du jazz, avec les Américains en 17, etc. As-tu fait des études ou si c'est toi qui as été prendre ça? Non, c'est moi qui suis allé chercher. Et puis après, j'ai travaillé aussi avec des gens qui m'ont ouvert à d'autres choses et des rencontres. Moi, la comédie musicale, je connaissais très mal, surtout ce qui était Broadway, avant d'arriver au Pianozing, par exemple. Mais toi, ton style, parce que moi, j'ai une comédie musicale qui... J'en ai parlé à mes deux invités avant toi, c'est Cabaret. Mais ma mère, alors quand même, ma mère nous a emmenés voir Cabaret à sa sortie, donc en 72, j'étais quand même un tout petit enfant. Et... C'était drôle parce que je suis allé à son bureau quelques jours après avec elle et il y avait, ça je l'ai compris après, un monsieur homosexuel, mais folle, un peu flamboyante. Mais moi je n'avais pas compris ça. Et elle parlait avec lui et je l'entends dire, j'ai emmené les enfants mais je ne savais pas que ça parlait de tout ça en fait. Veut qu'on glorifie ce qui n'est pas de chez nous. Toutes les choses vous plaisent dès qu'elles sont anglaises, d'Amérique ou du Pérou. Oui, je le concède, je l'avoue, j'en conviens. L'étranger possède des tas de choses qui sont bien. Et sans nous flatter, et sans nous vanter, ils n'ont pourtant pas en vérité toutes les beautés de notre Paris. Ni la Samar, ni les galeries, nos monuments presque immortels. La Tour Eiffel, Cécile Sorel, le Bois de Boulogne et ses pelouses, avec toutes ses gardens partout. Enfin, notre vieille gaieté française, le Père Sylvain, le Père Lachaise. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas, il faut le déclarer. Ce point carré, Madame Carré, Monsieur Poiré, Madame Cora, Monsieur Toumergue, Monsieur Toumergue, ni tous les balles de l'Opéra, ni Otero, Olida, Picasso et Picabia, Jésus, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. L'Espagne possède Grenade et Tolède, les jardins de l'Alhambra. L'Italie, Venise et la tour de Pise, l'Amérique, le Niagara. plein de ses mystères. Le Japon, c'est geisha. Le Caire, c'est moukère. Et la Perse a son chat. Et malgré pourtant tout ce qu'on peut rêver, il n'y a qu'en France qu'on peut trouver un climat si tiède et si beau que tout l'été il tombe de l'eau. Un régime si doux, si gentil, qui accorde à tous l'amnistie, des bonbons et des bouquets de fleurs aux insoumis, aux déserteurs, et une pension de 20 000 francs aux bagnards les plus méritants. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la scène et le pain qui t'as la fin, mon plat d'entrain. L'encombre c'est juste tout ça montra. Ni la vie chère, la vie si chère, qu'on ne sait jusqu'où ça chéra. Ni les agents dont le cheval cavalcant sonne le signal. Une, deux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas cette vivacité, cette inquiété, l'enfant gâté, que Paris toujours seul aura, cette bienveillance qui récompense de tout ce qu'on fait ou qu'on fera. On dira tout ce qu'on voudra, on dira tout ce qu'on voudra. Une, deux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. En 1933, il y a encore des gens en vie cette année-là, en 1933, Miss Tinguette faisait sa rentrée aux Folies Bergères, au mois de décembre, et cette année-là, elle avait vu un film, une comédie musicale américaine, qui est sortie d'ailleurs cette année-là, dont elle est tombée follement amoureuse de la chanson-titre. Et Miss Tinguette, vous savez, ça tournait très vite, je vais me la chanter moi-même, dans ma revue des Folies Bergères. Et donc, elle a commencé à répéter ce titre. Et là, c'était un peu la panique aux Folies Bergères, sauf que Miss Tinguette étant la vedette, et la vedette qu'on savait, c'était un peu compliqué de lui dire que c'était pas bon. Alors, le directeur, Paul Derval, s'y est mis, le metteur en scène, etc. Et il n'y avait rien à faire, elle était là, elle répétait avec l'orchestre tous les jours, et tout le monde disait, elle va à la catastrophe là-dessus. Donc, ils ont demandé à Maurice Chevalier de venir assister à une répétition. Et là, Maurice Chevalier, dont elle a toujours été amoureuse, elle lui a dit, mais t'es complètement cinglé. Et elle ne l'a pas fait. Sauf que ne reculant devant rien, je vais vous montrer ce que personne n'a jamais vu. Eh oui. Vous serez les deuxièmes au monde, puisqu'il y a eu ceux d'hier soir. Et peut-être les derniers à voir ça. Vous auriez un ré sur ce grand piano? Il a fait noir, on dirait matin et soir qu'il va pleuvoir. L'orage se met partout. L'orage. Et moi, évidemment, je n'en ai gardé que. Les deux, la scène de Mein Herr, oui. De Liza Minnelli chantant sur sa chaise. Oui, avec les chaises, oui, exactement. C'est le numéro qui m'est resté. Mais je crois que c'est le numéro du film aussi. Et c'est vraiment le truc qui m'est resté de ça. Et déjà, il y a eu ça. Et la même année ou un an après, elle nous emmène voir une compilation MGM qui est sortie au cinéma pour l'anniversaire de la MGM, okay. Qui s'appelait That's Entertainment. Donc, c'était une compilation de films musicaux. Oui. Avec en anglais, la voix off était faite par Frank Sinatra. Voilà. Ah, hein. Et je revois. Est-ce que c'est vraiment ça, oui? Absolument. Ok, parfait. Et je revois pas mal de scènes, et surtout la scène du film The Great Ziegfeld de 1936, cette espèce d'escalier en colimaçon en forme de gâteau d'anniversaire. Et moi j'ai vu ça et je me suis dit, mais il faut que je sois là-dedans. Je suis fait pour ça. Alors là, tu voulais recréer ça plus tard après sur ça. Et donc, aller dans cet univers-là, parce que financièrement c'est impossible évidemment aujourd'hui, en France du moins. À Vegas peut-être, mais... Ouais. Encore là plusieurs soirs. Mais tout ça me parlait énormément sur le fait de donner du divertissement pas stupide avec une touche de glamour. Et après, j'ai compris que concernant le personnage, on n'était pas dans le glamour, mais on était dans le glumour. Oui. Qui était vraiment le mélange de glamour et d'humour. Le mot n'est pas beau, glumour, mais c'est vraiment ce que je trouve qui symbolise bien. C'est un amalgame. C'est ce qui symbolise Charlène très bien. Et ton personnage est né... Est-ce qu'il est né dans un seul cocon ou tu l'as raffiné au fil des années? Il a été affiné au fil des années, mais c'est mon patron, Jürgen, du Piano Zinc, qui un jour m'a dit, écoute, arrête, il est allemand, il n'était pas, il est toujours allemand. Et un jour, il me dit, écoute, Coco, il nous appelait toujours Coco, écoute, Coco, au lieu de faire tes conneries, tu veux pas t'inventer un personnage définitif? Parce que, mais c'était pas tes conneries? Ben, je me travestissais un peu en tout et n'importe quoi. Même pas, c'était des trucs. C'était... Qui n'existaient pas. Voilà, non, on aurait dit un truc qui se cherchait un peu. Et il a mis le doigt dessus. C'est bon. Okay. Trouve-toi un personnage. Et voilà. Arrête d'aller partout. Et Charlène a été trouvée parce que quand il était en colère, il m'appelait Charlène. Donc, je sais pas, je n'ai jamais su. Il m'appelait soit Charlène, soit Ghislaine. Et Ghislaine, c'est vraiment pas glamour. Non, j'en connais des Ghislaines. Je préfère Charlène, j'en connais pas beaucoup de Charlène. Et donc. Est-ce que tu en connais dans la vie tous les jours des Charlènes? Oui, maintenant oui. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. À part Charlène Tilton. Ah oui. C'était quoi? C'est Dallas, je crois. Ah oui, exactement, oui. C'est une télévision. Ouais. Et donc voilà, Charlène était trouvée et restait Duval à trouver. Et ça, on l'a trouvé à 5 h du matin. Pourquoi Duval? Parce que moi, j'habitais à Québec, une rue qui s'appelle encore la rue Duval. C'est ma rue. C'est ta rue, ben oui, écoute. Et Duval. Je prendrai une photo et je te la montrerai. Mais avec plaisir. On a une rue à Paris qui s'appelle Ferdinand Duval. Ah, ok. Moi, c'est rue Duval. Mais j'irai en scooter juste rouler sur Duval et je vais te l'envoyer. Comment ça, rouler sur Duval? Et je te dis, je vais te dédicacer cette vidéo-là. Mais avec plaisir. Oui, alors on est Duval. Et donc, oui, on était bourré à 5 h du matin chez une amie de Jürgen. Justement, et on cherchait un nom, et on était plein de champagne vraiment, et on cherchait. Et vous avez un petit lien avec Michou, c'est le champagne. Voilà. Je suis admiratif de ce qu'il a fait, okay. Parce que ça dure. Mais il est encore là. Et donc, cette personne s'appelle Marie Duval Kalpakoff, elle est australienne, et elle dit là, mais Jerry appelle Duval comme moi, ça passe partout. Et là, on se regarde et. D'abord, le double N de Charlène Duval Claquabien. Ah, c'est bon, oui. Et le nom très francophone, parce que Duval, c'est une marque de pastis. Oui. Donc ça sonnait très français. Mais je connaissais une Norma Duval, meneuse de revue en Espagne. Il y a des Duval aux États-Unis. Au Québec aussi, beaucoup de Duval. Et ça se prononce partout, même si c'est différent dans la prononciation. Duval. Et le prénom un peu sophistiqué à l'époque, Charlène, marchait bien avec la simplicité. Et d'un seul coup, ça a été adjugé, mais en 10 minutes, hop, Charlène Duval. Et voilà. Et comment le personnage physique s'est créé? Mais j'ai la chance d'avoir travaillé depuis le début avec une costumière avec laquelle je travaille encore. En quelle année elle est née ? 94. Okay. Et dès le départ, j'ai travaillé avec une costumière merveilleuse qui s'appelle Danielle Attel, qui habite juste à côté, et qui est allemande aussi. Mais l'Allemagne, c'est les comédies musicales, hein, c'est le travestissement aussi. Bien sûr. Et donc, dès le départ, elle a inventé la silhouette Charlène. C'est-à-dire, on est dans la sophistication 1950, too much, glamour, trop corseté, trop scintillante, trop... Et tu dis que c'est vraiment un personnage qui est surenchéri. Oui. Elle en fait trop. Bien sûr. Mais trop de pleurs. Il arrive à un moment où, quand on arrive un peu à trop, on peut se permettre justement de ne rien faire. Ça devient surréaliste. On peut se permettre de ne rien faire, c'est juste, vous voyez. Et ok, tu vois arriver le personnage, tu voilà. Quand même pas parlé. Et avec le temps, j'ai aussi appris que, effectivement, on peut arriver surchargé en scène. Si on doit faire une heure et demie, c'est long, on enlève la surcharge au bout de 10 minutes, et maintenant c'est, vous avez vu ce que je peux porter, maintenant j'ai des choses à vous dire. Et là c'est le discours. Voilà, et là c'est du discours de la chanson. Et des changements de costume, parce que c'est toujours joli. Donc, c'est en 91 94. En 94, excuse-moi, que le personnage, le visage, le maquillage, la perruque... Est-ce que la perruque a changé avec les années? Oui, alors elle a toujours été rousse. OK. Mais la perruque a évolué avec le temps. Il y a eu des chignons très sophistiqués et tout. Maintenant, on est dans des choses un peu plus... je dirais un peu plus américaine, un peu plus gonflée, un peu plus bouclée. Est-ce que tu suis la mode pour que ton personnage... Jamais. Et... Charlène, comme disait Chanel, la mode, ça se démode. Ah oui, ah ouais. Le style, ça reste. Et donc Charlène, c'est un style qui est inamovible. Elle peut tout faire, mais je me souviens d'un des derniers spectacles qu'on a fait, on reprenait la scène d'ouverture de Chorus Line, l'audition. Et je me suis dit, d'accord, moi je veux bien être... Mais comment tu arrives à choisir Chorus Line? Mais c'est le metteur en scène et concepteur du spectacle. Mais c'est un génie, ça. Il se dit, on va faire cette scène, donc cette scène très très violente de l'audition. Oui, ça je te dis, c'est très génie. Et donc, je me suis dit, bon, Charlène en juste au corps de répétition, pourquoi pas, mais il faut que le juste au corps il soit étranglé à la taille. Et il faut quelque chose. Il faut un truc, parce que ça remontait jusqu'au cou, vraiment ce que les Américains appellent the turtle neck. Ok. Et je me suis dit, il faut un truc. Et là, j'ai mis dessus une rivière en strass énorme, ce qui était totalement incongru pour une audition. Et d'un seul coup, ça marchait, on retrouvait le personnage. Et là, toi, c'est ça, c'est de créer le chaos à travers, tu sais, le côté surréaliste oui. De l'événement. C'est-à-dire que cette chose n'a rien à faire là, okay. Mais elle y est. Elle y est. Elle n'est jamais à sa place. Oui, mais elle fait ce qu'il faut faire. Oui, donc, exactement. Voilà, c'est. Je dis pas que c'est et comme. Elle est à côté de ses baskets. Elle l'a toujours été. Ah, mais toujours. Ok. Toujours. Elle a une vision de la vie qui. Mais pourquoi tu voulais que ce personnage-là soit à côté de ses baskets? Parce que c'était le seul moyen, à mon sens, de faire exister quelque chose de totalement obsolète aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire qu'elle est. Elle est restée figée. Et. Mais elle est toujours là. Oui. Heureuse, radieuse. Et même, elle est surprise elle-même d'être là. Presque. Okay. C'est, on me demande, alors je suis là. Voilà. Elle est un peu allumée quand même. Et si elle arrive à rester un peu dans le feu de l'existence du monde, c'est que c'est une gougare. Et effectivement, ses jeunes amants la tiennent au courant un peu de ce qui se passe. Okay. Et c'est comme ça qu'elle est au courant. C'est comme ça qu'elle est au courant qu'il existe des gens qui s'appellent Rihanna ou Beyoncé ou Justin Bieber. Voilà. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est elle a sa compréhension à elle de l'événement. Donc bien elle sûr. Essaie de décortiquer à sa façon. Oui. Et c'est tout croche. Ça n'a pas de sens. Et c'est de la comédie, tu l'appelles comment cette comédie-là? C'est de la comédie absurde? Ça va pas totalement vers l'absurde, mais il y a une part d'absurde. Surréaliste. Ah ben c'est surréaliste, okay. De toute façon. Okay. Il faut aller au-delà, c'est au-delà du réel, clairement. Au-delà du réel, oui. Et puis ton personnage, en 1994... Il était moins abouti que ce qu'il est maintenant, oui. À la naissance, bien sûr. Oui. Mais c'est quoi? Tu voulais mêler sketch ou... J'ai toujours voulu mêler sketch et chanson. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais les chansons, on s'en fout, fais des sketchs, c'est ce qui marche. Okay. Sauf que moi, ce qui marche ne m'a jamais intéressé. Oh, oui, c'est vrai. Tu vas aller à contre-courant. J'ai jamais été dans le move, comme on dit. Ouais. Et donc j'avais... moi j'ai toujours eu besoin du support chanson parce qu'il existe tellement de choses merveilleuses. Et puis, avec le temps, il y a un auteur qui s'est mis à écrire... Enfin, qui a écrit un auteur-compositeur-interprète qui s'appelle Pascal Marie et qui m'a fait des chansons merveilleuses. Ah, dès que ça fait moins de poète, alors là, ils sont contents. Faites de l'art. Depuis qu'un soir, par hasard... Nous sommes rencontrés et que votre doux regard a su m'ensorceler. Je ne suis plus la même depuis que je vous connais. Quelle angoisse sans problème, qui est ce que j'aimerais? C'est vous, et mon petit chou, qui rendez mon cœur. Son cœur fait coucou. Expliquez-moi. Mais quoi, se tendre et moi. Oh là là là. Je ne sais pourquoi. Elle ne sait pourquoi. Sitôt que je vous elle vois. Elle en perd la voix. Je bafouille ses mains. Malgré moi. Pourquoi, lorsque vous m'invitez chez vous à prendre une tasse de thé, pourquoi je veux refuser puis que j'accepte et qu'alors je renverse tout? C'est vous, oui, mon petit chou, qui rendez mon cœur fou, sauf qu'avec un loup, oui, fou d'amour pour vous. Oh messieurs, c'est du délire, j'en suis bien navré, mais puisque tous je vous désire, que faire? Je suis bien embarrassé. C'est vous, oui, mon petit chou, qui rendez mon cœur fou, sauf qu'avec un loup. Expliquez-moi. Mais quoi, s'attendrez-moi. Oh là là là. Je ne sais pourquoi. Elle ne sait pourquoi. Sitôt que je vous. Elle en perd la voix. Je bafouille ses mains. Malgré moi. Miss, un tennis? Pourquoi, quand vous me dites Miss, venez avec moi jouer au tennis? Pourquoi je refuse et puis que j'accepte et qu'alors j'envoie les balles dehors? C'est vous, oui, mon petit chou, qui rendez mon cœur, son cœur fait glou-glou. Ah oui, fou d'amour, vous. Let's groove, guys, yes, you. Oh, baby, that's you. You're dragging me crazy. You're dragging me crazy. Oh, what did I do? Oh, what did I do? Ah, what did I do? Oh, what did I do? My tears for you. My tears for you. Makes everything hazy. Makes everything crazy. Love in the skies. Oh. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Alone in your room, or come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. Come taste the wine. Come

Celui-là. Parce que je veux diffuser avec notre rencontre. Ça serait rigolo. T'es à Paris jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche. Ah oui, moi prochain. Non, pas dimanche, c'est l'autre dimanche. Ah, ben à ce moment-là, on peut peut-être se recroiser, je te le donne. Ben, est-ce que tu restes dans le quartier? Moi, j'habite pas très loin, ouais. OK, OK, oui, oui, on se croisera. Ou je peux donner l'adresse de... Je reste à l'auberge de jeunesse ici, tu laisses ça à mon nom, il n'y a pas de problème. Ah, ben voilà. Quand tu pourras, OK, parfait. Pas de okay. Souci, moi, en rentrant le soir, génial, je te donne le CD. OK, excellent, merci. Et en même temps, je te donnerai le CD du Mistinguette qu'on a fait. Ah, oh, pourquoi pas, OK, puis je diffuse. Parce qu'on avait fait... Après, enfin, c'est encore autre chose, ça. OK, mais en 94, il n'y avait aucune chanson préparée. C'est... Non. Tu prenais de Fréhel, je prenais des chansons existantes du répertoire. Mais de qui? Et c'était vraiment hyper varié, quoi. Bon, j'avais la chance, alors ça, je l'ai perdu en 89. Mais à mes tout débuts, j'avais aussi une voix de mezzo. OK, mais pourquoi tu as perdu la cigarette? Parce que je me suis cassé la voix un soir en 89. Puis j'ai forcé dessus, etc. Donc j'ai récupéré l'étendue normale. En une seule soirée, tu t'es cassé la voix. Et j'ai gueulé ce soir-là. Et, pourquoi? Ça devait être l'anniversaire de la libération de Paris, je crois. OK. Et là, t'as trop donné? Voilà, j'ai forcé dessus pendant un an. Puis après, bon, je me suis fait soigner, etc. Et, j'ai repris des cours de chant, j'ai fait des exercices vocaux. Et voilà, mais j'ai pas retrouvé cette voix qui me permettait de chanter du Yvonne Printemps, par exemple, ou du Joséphine Baker comme au début. Mais tu l'as fait, mais dans une autre tonalité. Et voilà, je les chante maintenant avec ma voix. Et je me suis rendu compte que ça marchait très bien d'avoir cette créature qui arrive, qui est ultra trop féminine. Et d'un seul coup, la voix est ce qu'elle est là. C'est ça. Donc, le corps ne va pas avec la voix. Voilà, exactement. Puis, ça va bien parce que la dissonance est partout. Ce qui s'oublie très vite. Autant le visuel est dissonant, autant la voix l'est. Donc, c'est ce qui crée aussi la comédie. Mais est-ce que cette dame-là est inspirée de femmes que tu connais ou d'hommes que tu connais? Quelqu'un a écrit très justement... c'est la synthèse de Marlène Dietrich, de Mae West et de Joséphine Baker. Et je crois qu'on peut rajouter une touche de Carmen Miranda et une cerise de Mistinguette. Et on a à peu près... le personnage. Voilà. Mais en 94... Par mon truchement, en plus de... Oui. En 94, est-ce que tu savais que ce que tu allais faire allait se rendre aussi loin? Ah non! Ah non, non, non, absolument pas. Moi, quand j'avais 12 ans, je m'imaginais descendre des avalanches d'escaliers avec des plumes au cul et puis d'avoir des ribambelles de danseurs à mes côtés. Voilà. Et il se trouve qu'après, déjà, il y a eu le piano zinc, donc le fait de chanter, c'était une première marche. Ensuite, il y a eu le fait de travailler notamment avec un monsieur qui est metteur en scène, mais qui est aussi compositeur, auteur, mais qui est un metteur en scène formidable, qui s'appelle Christophe Mirambeau, avec lequel je travaille toujours, et qui a monté une revue dont j'étais vraiment le pivot central, et qu'on a fini par jouer quand même. Et c'était le premier soir où on l'a joué, ça s'appelait « Ça monte et ça descend ». Et la première fois qu'on l'a joué, moi je suis rentré chez moi et je pleurais comme une madeleine dans ma voiture. Je me disais « Tu as fait ce que tu voulais faire étant enfant ». Alors c'est l'émotion de... Alors que c'était une revue satirique, on était six, mais avec plein de changements de costumes, etc. Tout ça. C'était une partie du rêve. Après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées là-dessus. Un jour, il me demande si je ne veux pas intervenir au Châtelet dans un concert qu'il faisait avec 80 musiciens. Il me dit « Il n'y a pas d'argent ». Je lui dis « Mais moi, si tu m'autorises à prendre six danseurs, bien sûr, je viens faire ce numéro. Chanter au Châtelet avec 80 musiciens, il ne fallait pas être cinglé, même pas payé, je le fais. » Même dans mes rêves, je n'avais pas vu ça. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Non, évidemment. Mais tu travailles toujours avec des musiciens en direct? Toujours. Toujours, toujours. Comment le budget? Ah ben, il y a des fois, c'est piano seul. Souvent, c'est piano seul. Okay. Ça peut être trio. Et là, la dernière, tu parlais... Ça, c'était avec ce qui s'appelle donc une compagnie qui s'appelle les Frivolités Parisiennes. Ouais. Et le Frivol Ensemble. Donc, ils ont un orchestre de 30 ou 32 musiciens. Et on a fait deux spectacles avec eux sur la formation à 16, dont une revue au mois de janvier dernier qui s'appelait Paris Chérie, qui n'était composée que de chansons. Qui parle d'amour, mais jamais de sentiment. C'est-à-dire, t'as-tu des titres? On était plus sur le désir. OK. Mais est-ce que les chansons, est-ce que c'est des compositions? Ah non, non, ça, ce n'était que des choses qui allaient de 1913 jusqu'à 1957, par là. Alors, tu peux me dire 3-4 titres? Alors, il y avait la plus vieille, donc c'était une chanson qui s'appelait « Ah, les Cénobites ». OK. Donc, les Cénobites, ce sont ces ermites. Oui. Voilà. Et le texte de la... Oh là, c'était un orchestre, ça se jouait dans une revue de 1913. Et le texte était « Ah, laissez mesdames, les Cénobites tranquilles, les Cénobites hors pot ». Et ça jamais été en disque. Non, non, non, absolument pas. C'est joué une saison à Paris. Et, mais je veux dire, toi, tu t'es inspiré de quoi? On te l'a offert Ben, c'est parce qu'on a la culture, et Christophe Mirambeau a cette culture aussi. Et voilà, et on a travaillé sur ce répertoire qu'on connaît quand même bien. Et il y avait Bert Silva, par exemple. Ah oui, oh oui. Il y avait dedans le petit le joli fusil, qui est une chanson totalement coquine. Mais beaucoup de chansons de naturalistes de cette époque-là étaient à double tranchant. Ouais, à double... Là, c'est très explicite quand même. Hein. Okay. C'est comme du renard, Colette Renard. Oui, aussi. Okay. Et voilà, il y avait une chanson qui s'appelait... C'était bien avant Colette Renard. Oui, oui. Il y avait une chanson des années 60 qui s'appelait La balade du fumeur dans Paris. De qui? De Colette Renard? Donc d'un monsieur qui s'appelle Popoff. Popoff, ok. Et qui dit très rapidement, parce que c'est beaucoup plus lent, mais comme c'est très court, je te la fais. C'est Oh, Parc Monceau, j'ai fumé une gitane, une royale au jardin des Tuileries. Au Luxembourg, j'ai fumé un Havane et un Inas dans le parc, mon souris. Mais je l'avoue, tout cela ne vaut pas une bonne pipe au bois de Boulogne par un bel après-midi. Une bonne pipe au bois de Boulogne, ça, c'est le paradis. C'est excellent. C'est excellent, mais c'est surtout... Je me suis un peu trompé dans l'ordre, mais toutes les paroles y sont. Oui, voilà, mais dans le désordre. C'est comme à la loterie, tu as choisi dans le désordre. Mais c'est... Mais je pourrais t'envoyer les liens vidéo, si tu veux, parce que ces spectacles ont été filmés. OK, mais lorsque tu proposes ça au public, le public est déjà... s'attend à ce genre de chansons-là. Alors, il y a une partie qui... de par le casting, de par les personnes présentes, etc., vient parce qu'il a confiance. Ou la salle. Voilà, et donc il a confiance et il sait qu'il va passer une bonne soirée. Après, il ne sait pas toujours ce qu'il y aura dedans. Mais, voilà. Mais là, quand même, c'était tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser. Voilà, c'est quelque chose du genre. Mais vous voulez beaucoup dans le côté coquin, très très coquin. Pour ce spectacle, mais les opérettes, par exemple, comme Yes, ou les comédies musicales, parce que c'est titré comédie musicale aussi, comme Yes de 1927 qu'on a joué, ou Gosse de riche récemment qui date des années 20 aussi, il faut quand même se dire que toutes les comédies musicales et opérettes françaises de cette époque-là, donc de 1918 à 1939, ont pour dénominateur commun les coucheries, le sexe. Ce qui explique en partie la non-exportation aux États-Unis. Parce que les États-Unis de l'époque étaient beaucoup trop puritains. Alors que là, on est quand même uniquement là-dessus. Puis alors, femme, homme. Mais en Allemagne aussi, c'était juste ça. Mais elles se sont beaucoup exportées en Hongrie, par exemple. Allez savoir. Oui, oui. Elles ont été traduites en hongrois. Mais en 94, le personnage que tu as mis en scène, que tu as inventé, que tu as enfanté, est-ce que ça demande, avec les années, un peu comme une femme, un certain... Tu dois t'entraîner, tu dois bien faire sûr. Ton poids. Bien sûr. Ah oui, il y a toujours la silhouette longiligne. Oui, donc... mais est-ce que tu es comme une femme? Il me semble que j'ai engraissé un peu. Ah oui, mais moi je passe mon temps à ça. Je suis au régime depuis ma naissance presque. Ah oui, ok. Mais je crois que si j'avais pas ça, je serais comme un cachalot. Alors que là, je suis obligé. Et je suis très fier parce que mes premières tenues de 1994, je rentre toujours dedans. Voilà. Ah ben oui, comme les femmes, tu essayes tes vêtements d'époque et voilà. Ça fonctionne. Mais c'est-à-dire que c'est une garde-robe qui coûte cher. Oui. Et donc le fait de pouvoir la réutiliser. Paris est cher parce que à Paris on est presque toujours obligé de se pointer avec des costumes nouveaux. Ah oui, parce que les gens attendent ça. Voilà. Oui. Mais dès que c'est pour la province, comme ils ne les connaissent pas, on peut sortir le stock. Mais toi, tu dois avoir une garde-robe incroyable. Est-ce que c'est chez toi ou C'est chez moi. Tout est à la maison. Alors quand tu déménages, tu ne dois pas faire ça. Ah mais je ne déménage jamais. Ok, mais tu dois. C'est combien de. Oh non, ça tient dans 10 mètres carrés. Mais c'est déjà pas mal. Ah ben c'est... Puis... 10 mètres carrés de robe, de chaussures et de plumes. Oui, mais les plumes. Oui, ben il y en a qui se plient, mais il y en a qui se plient pas. Hein. Est-ce que tu vas chercher tes plumes un peu comme on va chercher nos fraises? Tu les cueilles? Non. Okay. On a la chance d'avoir à Paris la plus grande plumassière qui date de 1929, la maison Février, donc chez qui c'est toujours fourni Gilda. maintenant, puisqu'ils ont été rachetés en 2009 ou en 99, je ne sais plus, par le Moulin Rouge. Ok. Ah ben oui, ben le Moulin Rouge. Ils les ont rachetés, ils ont transféré les ateliers là. Ok. Et donc ça a continué. Ok, j'ai vu un monsieur sortir avec des. Ça a continué à exister. C'est un magasin aussi. Et c'est merveilleux. Alors il y a le magasin devant, mais là-haut il y a les ateliers et ils savent travailler la plume. Mais divinement. Mais comment tu... Et ils travaillent toujours à l'ancienne. Okay. Ce qu'on appelle à la main, à la main. C'est à la main et les plumes sont montées. C'est-à-dire que chaque plume est tigée sur du laiton. Donc on peut les écarter comme on veut. Ce n'est pas collé. Okay. C'est un travail sublime. Mais comment tu arrives à trouver l'argent pour acheter des vêtements aussi? On le trouve. On le trouve. Parfois c'est un peu compliqué, mais... Mais à chaque fois que tu prépares un spectacle et que tu... Et j'ai la chance que tous ces gens, que ce soit mes costumières, enfin Daniela, donc, que ce soit la Maison Février, sont toujours très gentils avec moi, et sur les délais de paiement, et sur les tarifs parfois. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils voient que ton personnage commence à... Parce qu'ils m'aiment bien, et ils aiment bien ce que je fais, et puis voilà, et c'est vrai que la Maison Février, je suis client, pour le coup, chez eux, alors, depuis 1983. Avant que ton personnage arrive? Ouais. Ok, au moment où tu faisais un peu n'importe Dès que je suis arrivé à Paris, j'ai été embauché sur un truc. Arrivé à Paris, tu es né à quel endroit? Je suis né à Paris, okay. mais j'ai vécu dans le sud toute mon enfance. Sud Marseille, dans ce coin-là? Arles. Ok. Et après, tout près d'Avignon, dans le Vaucluse, où mes parents sont toujours. Ok, et toi, tu as décidé de faire cavalier seul à Paris? Ah, mais j'en rêvais depuis toujours. Okay. Pour moi, c'était là. Parce que c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, et puis il n'y avait pas le choix. Mais tes spectacles, est-ce que ça se déroule beaucoup plus à Pigalle? Ah non, c'est vraiment dans les théâtres, le théâtre musical, etc. Je regrette qu'on manque de cabarets comme il peut y en avoir, soit aux États-Unis, soit au Québec. Des choses où on peut avoir aussi des late night shows, par exemple, le truc qui commence à minuit. Quand tous les autres spectacles ont terminé, ça on l'a pas à Paris, ou quasiment pas. Et puis c'est un genre, c'est vrai, à Paris on est très fort sur le one man show parlé. Ouais. Et il y en a des centaines. Il y en a trop, oui. Mais dès qu'il s'agit de choses avec de la musique vivante, tout de suite c'est plus cher. On est plus des vrais musiciens, c'est plus cher. On est plus réticents, etc. Oui, mais on peut faire des choses merveilleuses avec piano seul aussi. Hein. Mais les gens sont friands d'aller voir un spectacle où il y a des vrais musiciens. Mais des, bien des, sûr des beaux costumes. Mais on l'a vu quand on a fait les deux dernières, donc la revue de janvier et Gosse de Riche, là où on avait 16 musiciens, ce qui est énorme à Paris actuellement. Oui. Toutes les grosses comédies musicales qu'il y a, que ce soit Mozart, comment ça s'appelle, Notre-Dame de Paris, les Dix Commandements, etc. Ils n'ont pas ça. Oui. Ils n'ont pas ça. Le Mistinguette qu'on a créé en 2013 et qu'on a rejoué sur 3 ans, on avait 9 musiciens. Et c'était formidable de créer ce répertoire. Avec ces 9 musiciens. Et là, j'ai un détail pour moi qui est important que je tiens à dire parce que vous êtes québécois. Oui, je suis québécois. Il y a un site merveilleux qui a été fait par un québécois, le plus grand site sur la chanson française de 1870 à 1950, qui s'appelle Du temps des cerises aux feuilles mortes, okay. Qui est fait par monsieur Paul Dubé, qui est un québécois, que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris. Et, rencontré. Oui, je l'ai rencontré quand il est venu. C'est le plus grand site de la chanson française de cette époque-là. Et bon, on avait déjà abordé tout ça, mais c'est une mine. Et là, il me manquait un crédit pour le programme sur une des chansons de Mistinguette. Impossible de trouver les auteurs-compositeurs. J'ai envoyé un message via son site et dans la journée, j'avais les crédits parce qu'ils ont un réseau colossal et c'est vraiment... C'est des archives. Mais c'est vraiment le plus gros site sur la chanson française disponible en ligne. Et ça, je dis bravo j'irai les Québécois. J'irai voir. C'est formidable. Mais le but de ton personnage, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, c'est de jamais faire évoluer ton personnage. C'est de le laisser dans... Alors, il est obligé d'évoluer parce qu'il faut qu'il présente des choses nouvelles. Ah oui, de ce côté-là, oui. Mais sinon, il est stratifié. C'est ça. Il est stratifié. Alors après, c'est bien de présenter des choses un petit peu étonnantes en disant... Regardez, c'est pas parce que j'ai 83 ans que okay. Elle a 83 ans. Elle a 83 ans. Elle est née en 34. Ah ok, oh, oui, c'est vrai. Okay. Et malgré l'âge, je peux encore faire ça. Elle aime la pâte. Voilà, absolument. Okay. Et, Et le public aime ça. Le public a toujours aimé voir les vieilles faire des choses qui sont dangereuses à 80 ans, alors que si elle les avait faites à 25 ans, tout le monde s'en foutait. C'est classique. Mais là, la dame nous offre un spectacle, donc elle essaie de se présenter sur son meilleur jour. Voilà. Mais toi, ton travail, c'est aussi un travail d'archive. Bien sûr. Mais parce que je m'intéresse à ça, que ça me passionne. Est-ce que les chansons reviennent souvent? As-tu des chansons fétiches, des chansons phares? Il y a un grand numéro phare que je n'ai pas fait depuis longtemps d'ailleurs, parce que je l'ai tellement fait, qui était une parodie de Marlène Dietrich dans La vie en rose. Ah oui, ok. Et il est sur YouTube ou Dailymotion. Oui, oui. Et assez mal filmé, mais c'est pas une très bonne archive, mais ça donne une idée. Et ça, c'est un truc qui m'a poursuivi. Il y avait ça et l'imitation de Lynn Renault chantant Le Soir, une très jolie chanson de Loulou Gasté, en français et en anglais. Et ça, c'est un truc qui m'a suivi des années, des années, des années. Des années. Est-ce que Lynn Renault t'a vu? Non, jamais. Okay. Est-ce jamais. Qu'elle te connaît? On l'a invité plusieurs fois, mais non, elle n'est jamais venue. Est-ce qu'elle te connaît? Non. Okay. Enfin, je sais pas, à moins qu'un jour elle ait vu cette vidéo du soir, mais je pense qu'elle m'aurait fait un procès déjà. Peut-être. Mais est-ce que ton personnage a des choses à raconter ou absolument? Bien sûr, elle a toujours des choses, comme elle comprend rien à rien, elle a toujours des choses à raconter, puis elle a une vie fascinante quand même. Okay. Et là où c'est commode pour elle de raconter des choses, c'est que comme elle s'est mariée en 1976 avec un riche argentin, milliardaire, ils ont eu un enfant. Hein. Okay. Ah, oui. Elle l'a eu tardivement, mais elle l'a eu. À quoi, 50 ans? Ah non, 76. Non, mais si elle l'a eu après... Non, elle l'a eu... Okay. Ah, oui. Elle ne s'est pas mariée vierge. C'était son deuxième mariage. C'est dans l'historique, c'est ça. Okay. Elle s'est mariée à 18 ans pour échapper un peu à sa mère. Mm-hmm. Et elle s'est mariée avec un monsieur Duval, d'où le nom. Okay, ben oui. Puisqu'elle est née en Espagne. Mm. Dans la bio, elle est née en Espagne. Elle s'appelle Carlota Elena Lopez. Oui. Ah, aussi, voilà. Ce que j'ai vu, oui. Et donc Carlota Elena, qui est devenue à Paris Charlotte Hélène. Et l'enfant des deux est devenu Charlène. Voilà. Okay. Et ton personnage... Et donc, alors, juste pour finir là-dessus, c'est que quand elle s'est mariée, son mari milliardaire qui fabriquait des bretelles en EVA synthétique en Argentine, son mari a fait effacer toutes les traces de sa carrière. Il ne voulait pas qu'on puisse dire qu'il est une femme qui a fait du music hall, qui s'est montrée à poil, etc. Il a fait tout effacer, c'est pour ça qu'on trouve très difficilement des choses. Mais comment tout cet imaginaire-là est arrivé? C'est au fur et à mesure? Petit à petit. Okay. Et c'est toi qui, ou c'est des amis? Non, c'est moi essentiellement. Et sur le premier spectacle Charlène, il y avait un ami qui m'avait écrit tout un texte, et on avait repris, il avait pris des choses, il avait mis des choses là-dedans qui m'ont servi un peu d'accroche aussi après. Et voilà, mais effectivement, la biographie s'est précisée au fur et à mesure des années. Et pourquoi lis-tu beaucoup? Avant, oui. Maintenant, de moins en moins, parce que je crois aux spectacles très écrits qui peuvent laisser une marge d'improvisation. Hein. Et qui a l'air quand même récité, qui a l'air et s'il se passe de tomber. Et s'il se passe quelque chose, on peut pas le rater. Okay, s'il se passe quelque chose dans le public, on peut pas le rater. Oh, oui. Et s'il vient quelque chose qu'on suppose drôle, on l'insère dans ce qui est écrit. Mais quand même, beaucoup de choses sont écrites... 95%. Ouais, 90. Est-ce qu'il y a beaucoup de chansons que tu veux reprendre? Je dirais que c'est de plus en plus complexe de trouver des chansons. Non, mais que tu as déjà fait au début, puis qui reviennent constamment Constamment, non. Il y a parfois des choses que je ressors, effectivement, parce que je me souviens que le public les a bien aimées. Mais non, j'aime bien proposer des choses nouvelles, alors soit des créations, soit des vieux saucissons que personne ne connaît. Mais tu les présentes, les chansons, tu dis de, un peu comme Juliette Gréco. Pas forcément. Mais c'est écrit lorsque moi je Dans les programmes, okay, parfois, okay. C'est écrit. Quand on a fait le Mistinguette donc en 2013, là, le garçon avec qui on discutait me dit si on faisait un spectacle sur Mistinguette. Je lui dis, tu sais, moi, si c'est pour chanter encore une fois, on dit que je les belles gambettes, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai déjà fait et plusieurs fois, et j'aimerais bien faire autre chose. Et on discute, et d'un seul coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un spectacle sur uniquement les duos, trios et chansons sketch de Mistinguette que personne ne connaît? Et il y avait largement de quoi faire un spectacle. On n'a pas tout pris, on a pu prendre le meilleur. Et on a fait ce spectacle avec des musiciens et donc quatre partenaires, même cinq parce qu'il y a une autre intervention, et on a pu recréer des choses que personne n'avait jamais entendues et qui n'avaient jamais été chantées depuis la création. Parce que c'était de la fantaisie, donc c'était fait une saison, et après on s'en foutait, c'était perdu. Heureusement qu'il reste des partitions et des enregistrements. Est-ce que tu te rends compte que depuis 1994, ou même depuis le début que tu fais du cabaret ou ce genre de spectacle-là, il y a un public qui te suit? Bien sûr! J'ai chanté tout ce qu'il y a de plus varié. J'en ai comblé des auteurs pour la postérité. Des sambas, des bossas et même des meringues. Pas un seul rythme, pas un seul pas qui ne me soit étranger. J'en ai fait des succès en pagaille, mettant avec regret plus d'une concurrente sur la paille. Faut dire que mon génie peut faire un tube avec une scie. Il paraît même qu'on s'entretue pour m'entendre faire turlututu. J'ai promené dans tous les music halls mes 3239 robes avec une allure folle. Sur ma silhouette plus que parfaite, on peut dire que tout colle. À mon cou, le moindre chiffon a l'air d'être une étole. J'ai un corps que toutes les femmes envient. Les plus beaux hommes de la planète lui ont dévoué leur nuit. Transports qui n'ont conduit qu'au seul décor du paradis. Car sans effort et par magie, chacun de mes bords a son point J. J'ai reçu en matière de trophées toutes les médailles et tous les prix que la terre peut compter. Un soir, c'en était agaçant, j'ai même dû engager 365 figurants pour pouvoir les porter. J'ai, c'est fou, tellement d'admirateurs que la Poste a dû recruter une centaine de facteurs. À Rome, il paraît même que le pape dit la Vé Charlène depuis que je suis une figure biblique. Même Marie pointe aux ascédiques. Vous devez sûrement vous demander, avec tout ce qu'elle a eu, que peut-elle encore espérer? Que peut-elle nous offrir qu'elle n'ait déjà donné? Quand on a tous ces beaux souvenirs, à quoi bon continuer? Oui, je sais, ça paraît irréel, mais je veux encore plaire aux hommes avant de plaire au ciel. Avant de vanter le bon Dieu, de promener mes yeux dans ses cieux, je voudrais encore comme toujours me réchauffer à votre amour. Aussi soyez gentils quand je vous ferai ma dernière sortie. Faites-moi donc un dernier rappel et je redescendrai du ciel. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.